Bonjour et bienvenue dans Cinéphage numéro 250. Et oui, on arrive déjà au 250e numéro. Et pour ce numéro spécial, eh bien, on a décidé à faire un spécial arts martiaux au cinéma. Et pour cette émission, je serai accompagné de Maxime, notre nouveau responsable de la technique sur Radioactive. Bonjour Maxime. Bonjour Alain. Avec lui, nous allons évoquer ses goûts cinématographiques et la filmographie autour du thème du jour des arts martiaux au cinéma, un sujet qu'on verra très fourni. Les arts martiaux, ça a toujours été un petit peu considéré comme un sous-genre de films d'action qui comprend de nombreux combats d'arts martiaux, donc entre les personnages. Ces combats sont généralement le principal intérêt de ces films, mais pas que, et sont souvent d'une manière de développer et de faire s'exprimer les personnages. L'usage des arts martiaux est souvent montré lors de scènes d'entraînement, en plus des combats. Le film inclut généralement aussi d'autres types d'actions, par exemple des combats corps à corps, des cascades, des poursuites, des échanges de coups de feu, mais pas que, parce que derrière, comme c'est souvent, là on va surtout parler un petit peu des arts martiaux en général, puisque on aurait pu parler vraiment des arts martiaux chinois bien spécifiques, là on fait plutôt un balayage assez grand, et bien sûr on espère faire un de ces jours une émission spéciale arts martiaux chinois, parce que quand on dit chinois, c'est asiatique, puisque, en effet, il y a une grande forme d'arts martiaux qu'on a découvert à travers, justement, des films. Hein, on va en parler, Bruce Lee et compagnie. Eh bien, Maxime, quelle est ta profession ? Eh bien, comme tu viens de le citer, je suis le nouveau technicien son chez Radioactive. Donc là, c'est un peu particulier pour moi parce que je réalise l'émission et en même temps, je réponds à tes questions. Et oui, tu fais un petit peu le test que pas mal de personnes qui ont travaillé ponctuellement ou longtemps sur Radioactive, Cinéphage, c'est souvent l'émission qui sert de test et de passer de l'autre côté du micro. Sinon, quelles sont tes passions ou hobbies dans la vie ? Eh ben, écoute, principalement la musique. Je dirais la musique avec un grand M. Je suis un explorateur. J'écoute tout genre. Donc d'une part. Et d'autre part, les arts martiaux et les arts de santé traditionnels chinois. Donc autrement dit, le Kung Fu. Voilà. Donc je sais que tu enseignes aussi. Oui. Je suis président d'une association à Lusso-sur-Loire et je dispense des stages. L'association, c'est Au-delà des quatre mers. Eh bien, est-ce que au niveau technique, justement, là, tu es arrivé à la technique, comment tu es arrivé, justement? Je sais que tu aimes aussi faire du montage et des choses comme ça. Effectivement, j'ai travaillé une dizaine d'années à l'université de Tours dans un service audiovisuel et j'ai fait pas mal de prod vidéo. Moi, j'étais spécialiste de la captation et du montage et j'ai eu la chance de pouvoir donner des cours de technique de réalisation à des étudiants en sociologie. Donc, tu as une approche du cinéma qui est un petit peu technique par rapport à certains de nos invités qui vont être comme moi, par exemple, des purs cinéphiles ou cinéphages, mais pas forcément attirés par le côté technique. Donc, c'est aussi intéressant. Quel est ton premier souvenir de cinéma, là ? Allez, on voyage dans le temps. je vais t'en répondre trois. Il y a Tomorrow Never Dies, que j'ai vu en VO au cinéma. Il y a Le Grand Bleu que j'ai découvert en cassette vidéo et un autre souvenir de cinéma, c'est Pulp Fiction que j'ai découvert en DVD. Voilà, c'est marrant parce que à un moment on va aborder, c'est un petit peu la transition puisque derrière je te demande quel est ton format favori, noir et blanc, VO, numérique ou traditionnel. Donc tu vois, ça s'enchaîne bien. Effectivement. Numérique, traditionnel, peu importe, mais plutôt en VO. Ça me permet de mieux ressentir le jeu d'acteur. Après, j'ai quelques souvenirs de jeunesse, des vieux films de Funès, et j'ai un très bon souvenir d'un film en noir et blanc, qui est La Traversée de Paris. Ah, quand même, avec une belle pléthore, hein, une belle brochette d'acteurs, et c'est vrai que... de voir le fameux Janvier. C'est vrai que c'était... Salaud de pauvre. Oui. Puis des gens avec des rôles un petit peu ambigus, qu'on n'a pas l'impression de... D'habitude, on les voit plutôt dans des rôles sympathiques. Là, ils n'ont pas forcément des rôles très sympathiques. Si je te demandais, que représente le cinéma pour toi en général ? Principalement le divertissement. J'apprécie vraiment les films qui me font m'évader et les films que j'appelle feel good. Si je devais vraiment choisir, parler de ce que représente le cinéma pour moi, c'est ça. Je cherche de l'évasion. Alors, quels sont ton ou tes trois films préférés et pourquoi ? Eh ben, Le Grand Bleu, car c'est le premier film qui m'a touché dans mon enfance. Après, bon, le Seigneur des Anneaux pour l'évasion, hein, j'en parlais tout à l'heure. Pulp Fiction m'a mis quand même une claque avec sa BO et ses répliques. Et voilà, Pulp Fiction, c'est comment rendre intéressant une discussion autour des burgers. Après, je peux t'en citer d'autres. Pêle-mêle, comme Vanilla Sky pour la mise en scène et sa BO. Ne le dis à personne qui m'a beaucoup touché. Les Star Wars, les Indiana Jones, etc. Oui. etc. Bon, on voit que tu as une culture ciné derrière quand même. Hein. Quel est ton ou tes acteurs favoris, français ou étrangers ? Bah, indéniablement, ce serait DiCaprio. Pour son jeu d'acteur, il n'y a pas un seul film qui n'a pas réussi avec lui. Et je l'ai découvert dans Roméo plus Juliette, figure-toi. Quand on pense à La Plage, Arrête-moi si tu peux. Puis il est magistral dans Gangs of New York et The Revenant. Mmh. Bah, The Revenant, il a d'ailleurs fait une, bah, ça lui a permis d'avoir un Oscar, mais faut pas oublier que c'est ce que je dis toujours, c'est un remake d'un autre film. Et intéressant. Rendons honneur à, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de films comme Gladiator, pareil, bon, ça devient des succès, mais faut pas oublier que dans les années 60, 50, il y a eu des films qui avaient déjà utilisé le même thème. Après, on a les moyens techniques nouveaux, mais c'est toujours intéressant. Petit conseil, d'aller voir le ce qui a été fait, le modèle entre guillemets. Et des fois, c'est un brouillon et ça devient un chef-d'œuvre. Ou des fois, c'est l'inverse. Merci, tu m'apprends quelque chose. Alors, si je te demandais maintenant ton actrice favorite. J'ai un peu cherché et spontanément, j'ai pensé à Uma Thurman. Je pense à Kill Bill, elle m'a vraiment impressionné dans ce rôle. Voilà. Oui, puis c'est une actrice justement qui est capable aussi bien de faire du dramatique que des films d'action. Hein. Kill Bill, elle a dû travailler très fort justement sur les arts martiaux. Ouais, ça m'a impressionné. Et c'est vrai que c'est une actrice qui est bien cotée, même des fois sous-cotée, je trouve. Oui, je suis assez d'accord. Et quand on voit qu'elle travaille avec Tarantino, bon, en général, il choisit pas les moins bons. Au niveau des réalisateurs, est-ce que tu as des réalisateurs un petit peu fétiches que tu adores, tu es rarement déçu ? Eh ben justement, tu viens d'en parler, c'est Tarantino. Alors pourquoi ? Parce que je l'ai découvert après coup, mais il pense généralement ses films à partir de musique. C'est ce que j'avais découvert. Et puis moi qui suis assez fan de musique, des grandes mises en scène musicales, ça me parle beaucoup, quoi. Puis en plus, une culture ciné. Lui, c'est un cinéphage. Ouais. Parce qu'il mange vraiment de tout et ses références, on le voit dans chaque film, déjà dans le choix de ses acteurs, dans la manière de tourner, les références dans chaque film. Quand on aime le cinéma, on dit, on voit ce qu'il a regardé avant. C'est clair. Et puis, sinon, oui, je citerai quand même Spielberg. Hein. Voilà, c'est un réalisateur qui m'impressionne parce que tous ses films, enfin une grande majorité, je trouve. Là, quand on voit la carrière qu'ils font derrière, c'est voilà. On revient à la musique justement. Quelle est ta musique de film favorite que tu aimes entendre avec plaisir ? Alors c'est difficile de trouver une seule musique, donc je vais plutôt te citer des BO, donc les BO des films de Tarantino, on en a parlé. Une BO qui m'a impressionné, c'est celle de Vanilla Sky, hein, voilà, les films de Cameron Crowe, que je trouve vraiment top en musique. Et puis la BO du Seigneur des Anneaux, voilà, qui est magistrale aussi. C'est vrai qu'on ça colle vraiment au film. Il y a certaines BO qui sont très bonnes, mais on n'est pas. Alors que là, on est vraiment dans l'ambiance. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance. C'est grandiose. Ça demande ça demande du cinéma, quoi. L'écran, la musique, voilà, tout participe. Un peu comme les films d'Ennio Morricone et Sergio Leone. Voilà, c'est des choses. On a du mal à dissocier le film de la musique. Eh bien, ce que je te propose, c'est une première pause musicale. Avec une bande originale sur le thème du jour, le fameux thème de Karate Kid, The Moment of Truth du groupe Survivor. Notre sujet du jour, le spécial arts martiaux, et toujours en compagnie de Maxime. Alors Maxime, quel genre de film tu n'aimes peu ou pas du tout ? Bah plutôt les films d'horreur psychologiques ou malsains, je dirais. Je pourrais te raconter mon pire souvenir, une des pires journées de ma vie, c'est quand j'ai découvert le film Martyr. Alors, je trouve bien en termes de réalisation tout ça, mais c'est vrai que bah, moi qui suis un grand sensible, j'ai pas apprécié. Ouais. Par contre, quel est le genre de film que tu aimes bien ou que tu préfères ? Bah, les films d'action-aventure, les films des paysans. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand il y a un récit initiatique. Voilà. Donc après, bah, je vais te citer d'autres films. Et tout ce qui est James Bond, les Indiana Jones, quand c'est un peu SF aussi. Voilà. Oui, là, donc tu regardes un petit peu de tout, quoi. Oui, je suis pas très difficile. À part le film gore, on pourrait dire vraiment où c'est de la tripe pour de la tripe, quoi. C'est ça. Genre Saw, par exemple, le Saw 1 était pas mal, mais c'est vrai que... Derrière, après, c'est une surenchère. Et puis bah, ou Terrifier, je sais pas si tu l'as vu, c'est une espèce de clown. Bon, c'est pour moi... Les clowns, ça me fait peur, en plus. c'est malsain. Mais ouais, mais quand ça me met un mal de bide, voilà, j'apprécie pas. Oui, bah après, bon, bah, moi, c'est pareil. J'aime bien les films d'horreur, mais pas... Voilà, si c'est que de la triperie, moi, je peux aller au boucher charcutier du coin. C'est la même chose. Et les films de zombies, ça, à la rigueur, oui, ça le fait. Ouais. Mais il y a toujours un petit peu côté humour, parce oui. que enfin, ça dépend comment c'est tourné, mais souvent, bon, il y a un côté un peu grotesque et une dénonciation de la société la plupart du temps. Eh bien, si je te demande un film qui t'a vraiment marqué, on en a parlé un petit peu là, mais est-ce qu'il y a un autre film qui t'a marqué en bien ou en mal, hein? En mal, je t'ai parlé du film Martyr. En bien, ouais, il y a vraiment une session de cinéma qui m'a marqué. C'est La Communauté de l'Anneau. Voilà. Et après, la trilogie. Et pour tout te dire, en fait, La Communauté de l'Anneau, je l'ai vu une fois au cinéma. Les deux tours, hein, c'est, ouais. Je l'ai vu deux fois au cinéma. Et Le Retour du Roi, je l'ai vu, devine. Trois. Exactement. Voilà, moi j'adore la dernière, justement, le 3 pour moi. Bon, le premier, c'est comme tu dis, c'est initiatique, rencontre et compagnie, pour lancer un petit peu l'aventure. La deuxième, c'est l'entre-deux. Nécessaire. Et la troisième, c'est le bouquet final. Hein. Exactement. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma ? Je vais plus trop au cinéma, seulement pour des films un peu grandioses en termes d'effets spéciaux, tout ça. Et donc, le dernier, c'est Avatar. Alors, le dernier Avatar, ouais. Et puis, du coup, je l'ai vu en salle IMAX. J'ai réservé en avance pour avoir la meilleure place en plein milieu. Voilà, je me suis fait mon petit kiff. Et alors ? Il m'a pas impressionné comme le premier, mais les effets spéciaux sont vraiment sublimes, donc ça m'a évadé. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a pas fait le truc du tout premier, quoi. Mais bon, là, la 3D est vraiment nécessaire. Je trouve que autant il y a des films qui ne sont pas nécessaires, et je pense Avatar a vraiment été les Avatar ont été les films vraiment pensés pour la 3D. Je suis entièrement d'accord. En fait, le premier Avatar qui était en 3D, pour moi, ça a été l'un des meilleurs films 3D que j'ai vu pendant longtemps, en fait. Il y a plein de films en 3D qui sont sortis où je trouvais que c'était pas... C'était pas un gadget, quoi. C'était vraiment nécessaire au film. Eh bien, imaginons que tu fais une soirée avec des potes et tu as décidé de leur présenter trois films qu'il aimerait bien qu'ils connaissent s'ils ne les connaissent pas encore déjà. Je vais en citer d'autres. Almost Famous, en français c'est presque célèbre, hein, de Cameron Crowe, que j'adore. Tu peux le pitcher pour les auditeurs rapidement. C'est un petit gamin qui se prend de journalisme et qui est recruté par le Rolling Stone magazine, et du coup il a un plan où il va se mettre à suivre un groupe de rock, et puis bon, il arrive plein de choses. C'est à la découverte du sexe, drogue et rock'n'roll. Ouais, c'est ça, alors que c'est un gamin, quoi. Mmh. Donc, ensuite La vie rêvée de Walter Mitty. Walter Mitty, plutôt. Qui est très feel-good. Voilà, je le conseille vraiment si on veut passer un beau moment. Synopsis, rapidement. Alors, le synopsis, c'est un gars qui est passionné de photos. En fait, il est fan d'un reporter photographique. Et puis, du coup, il découvre un peu son travail. Et en fait, il avait une vie un peu monotone. Et il rentre un peu dans un délire où sa vie va complètement changer pour aller à la rencontre de cette personne. Et il lui arrive des choses abracadabrantesques. C'est très feel good. Et pour terminer, tu finirais ta soirée comment ? Avec ça fait longtemps que je l'ai vu, et j'aurais bien envie de revoir Slumdog Millionaire de Danny Boyle, hein, c'est ouais. ça ? Donc voilà, une forme de récit aussi un peu initiatique, où on suit un gamin des favelas, pas des favelas, des bidonvilles indiens, et il y a tout un parcours. Un parcours de découverte un peu de ce qu'est l'argent, puisqu'il vient d'un milieu très pauvre, et puis un peu ce show business, un petit peu un monde qui lui est totalement différent, et puis comment l'argent peut changer les choses et la vie en général. Et pour finir dans une émission de Qui veut gagner des millions. C'est ça. Bon, on voit comment c'est plus ou moins plombé, un petit peu, c'est de la télé-réalité, hein. C'est un peu le rêve américain, entre guillemets, hein, que derrière, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément montrées. Et puis comment la célébrité et l'argent peuvent faire péter les plombs aux gens. Eh bien, maintenant, je te propose de passer au portrait cinéma. Cinémoi, ou le portrait chinois de l'invité. Si tu étais un film, quel film serais-tu ? La trilogie du Seigneur des Anneaux. J'aimerais bien être un chevalier dans un monde d'heroic fantasy, ça me branche bien. Et justement, si tu es un acteur. Eh ben, mon cœur balance entre DiCaprio pour sa filmographie et son jeu d'acteur, et Tom Cruise, car j'aurais bien aimé réaliser toutes les cascades qu'il a fait. Voilà. Et si tu étais un personnage de film ? Aragorn, voilà, ouais, être un proche chevalier. Voilà, c'est le. Trancher des têtes de méchants orques, ça me plaît bien, ouais. Et ouais, combattre pour le bien, quoi. Exactement. Eh bien, ce que je te propose maintenant, c'est de passer à la seconde bande originale, celle de Opération Dragon, hein, le fameux thème, avec bien sûr Bruce Lee, mais on en reparlera tout à l'heure dans le quiz vu pas vu. Eh bien, maintenant, nous allons passer au coup de cœur vidéo. Coup de cœur vidéo. Eh bien, je reste sur le thème du jour, puisque je te propose Danny the Dog de 2005, de Luc Besson, où on retrouve Bart, joué par Bob Hoskins, qui a élevé Danny, joué par Jet Li, comme un chien dressé pour tuer. Et à 30 ans, il ne connaît de la vie que lui a pris son maître, la pièce dans laquelle il est resté reclus et les combats sanguinaires pour lesquels il est entraîné et qui fait gagner de l'argent, bien sûr, à son maître. Et après un règlement de compte, Danny se retrouve seul, perdu et recueilli par Sam, joué par Morgan Freeman, qui lui est plutôt doux, humain, artiste, et sa belle-fille mélomane, qui vont donc essayer de le ramener un peu, à force d'amour, de patience et de gentillesse, à se défaire de la violence qu'il a connue. Et donc c'est un film, pareil, initiatique, puisqu'on passe de quelqu'un qui est une bête, on peut le dire, à devenir quelqu'un de civilisé, entre guillemets, avec d'autres valeurs. Et moi, j'avais trouvé ce film, sur l'idéal, pas mal. En plus, Jet Li, c'est quand même quelqu'un en arts martiaux qui représente bien. Donc j'avais trouvé ça curieux que Luc Besson passe sur ce thème. Je sais pas si tu l'avais vu. Ben c'est un film qui m'a un peu échappé. Je crois qu'il y a très longtemps, j'avais commencé à regarder le début. Et du coup, j'étais pris par autre chose. Mais tu me donnes en fait envie de le regarder. Donc je te remercie d'en reparler, quoi. « on va passer au coup de cœur rétro. Alors là, c'est l'art martial, mais version plus comique, plus aventure. Ben, j'ai choisi Le Marin des mers de Chine de 1983. Donc, ça se passe à Hong Kong au début du XXe siècle. Des pirates rançonnent les mers et Dragon, joué par Jackie Chan, est un garde-côte un peu turbulent, un peu fanfaron et qui préfère démissionner plutôt que d'obéir aux nouvelles règles qui rattachent son service à la police. Donc, un petit peu rebelle, quoi. Avec son ami Fai, un voleur au grand cœur, Dragon va décider de démanteler un réseau de trafic d'armes. Et bien sûr, Jackie Chan, devant et derrière la caméra, réalise ce chef-d'œuvre du cinéma kung-fu, un classique indémodable. Donc ça mêle à la fois l'aventure, le côté, comme on en parlait en off tout à l'heure, cirque de Pékin, hein, puisque c'est un bon combattant, mais derrière, c'est surtout de la cascade, du rire, des techniques, et puis fait toutes ces cascades lui-même. Je ne sais pas si tu avais vu ce film. Moi, je trouve que c'est gentil, c'est tout public. Oui, c'est clair, c'est tout public. Bah, je l'ai pas regardé en entier, j'ai regardé quelques images. C'est vrai que dans les films de kung-fu, je préfère les choses sérieuses. Le côté un peu comique, et puis c'est très chinois en fait. Voilà, des boutades, des bourdes. Ah bah c'est un style de ciné. Hein. Ouais, complètement. Et c'est un peu moins ma cam. Mais par contre, c'est vrai que c'est une œuvre, hein, clairement. Et bien maintenant, on va passer au coup de cœur news. Ah oui. Good morning Radioactive. Et maintenant les news cinéma. Eh bien, j'ai choisi un film qui va revenir sur... enfin, le thème va revenir, puisque près de deux décennies après Lord of War, le thriller d'Andrew Niccol, sorti en 2005 sur l'ascension d'un marchand d'armes ukrainien en Amérique, la suite intitulée Lord of War passe enfin à l'action. Cage y retrouvera son rôle culte de Yuri Orlov, charismatique et cynique vendeur de mort. Et le casting s'étoffe au passage avec Laura Harrier, Sylvia Hawks et Greg Tarzan Davis qui sont annoncés aussi au casting. Donc un autre art martial, puisque martial veut dire de la guerre, mais là on voit un petit peu les côtés sombres. Et moi j'ai choisi ce coup de cœur news parce que c'est vraiment d'actualité. Hein. Et oui, il y a toujours les salopards de marchands d'armes qui profitent de faire du pognon en faisant crever des gens. Donc rien n'a changé. Et là c'est marrant, c'est un Ukrainien. Hein. Donc on voit qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des salopards. Et des salopards très cyniques, en effet. J'espère que Nicolas Cage va nous refaire un bon film, parce que Nicolas Cage peut faire d'excellents films, mais des fois, il fait aussi de la production à outrance. Mais c'est ça un peu le charme aussi de Nicolas Cage. Et puis, tu m'apprends quelque chose, voilà, ce nouveau Lord of War. Je te partage juste ça. Pour moi, le premier Lord of War, c'était l'une des meilleures introductions de films que j'ai vues. Voilà, c'est vraiment son introduction m'avait vraiment impressionné. Non, puis c'est un sujet, c'est vrai qu'on dénonce, mais on montre pas l'intérieur vu du côté d'un monsieur tout le monde. Enfin, si on peut dire, vie de famille et compagnie, il pourrait être sympathique ce garçon. Ça pourrait être un homme d'affaires sympathique, s'il peut y en avoir. Mais voilà, derrière, c'est un mec, oui, qui a ni foi ni morale, hein, puisque ayant lui-même une famille, il va tuer des gens sans problème. Surtout faire tuer des gens. Eh bien, maintenant, nous allons passer au thème du jour. Eh bien, quel est ton film favori sur les arts martiaux ? Eh bien, The Grandmaster de Wong Kar-wai. Vraiment, c'est un hommage aux arts dits internes chinois, donc internes à la Chine. Voilà, on voit différents styles. Ceux qui aiment le kung-fu, on voit du Wing Chun, du Bakwa Song. Il me semble qu'il y a du Hungar aussi. Voilà, c'est donc un différentes bel hommage techniques, quoi. Exactement, ces différentes formes de kung-fu. Et alors, quel est selon toi l'acteur qui représente le mieux le thème ? Oh bah c'est Bruce Lee, hein, clairement. Hein. C'est lui qui a révolutionné un peu le genre et qui a un peu occidentalisé les films. C'est vrai qu'il a servi de pont entre la Chine, Hong Kong. Et parce que bon, même les Japonais, on voyait les films de samouraï, les films de ninja. Mais vraiment, l'art martial, surtout sans armes, c'est vraiment lui qui l'a popularisé. Et puis après, on a eu tout le déferlement des films de Hong Kong, de Chine. Mais c'est vrai que, bah oui, Bruce Lee, ça reste la référence. Hein. Il y a... tant en tant qu'acteur qu'en réalisation. Hein. Il a vraiment réfléchi à des techniques de réalisation pour justement montrer les différentes formes de combat. Quoi. Et puis, c'est quelqu'un qui a une carrière très courte, relativement, malheureusement. Malheureusement. Puis il y a une malédiction, hein. On ne parle pas de son fils. Et voilà. Si maintenant, je te demandais la musique de film que tu préfères sur le thème. Bah, c'est le thème principal du film Ip Man. Et c'est ce film qui m'a donné envie de reprendre les arts martiaux. Enfin, moi, je parle plutôt d'art chevaleresque. Mais voilà, c'est un thème qui me tient à cœur parce que c'est mon premier pas dans ce monde-là, à partir de ce film. Quel est ton personnage favori de film d'arts martiaux ? Ben justement, Ip Man. Ip Man, à partir de ce film, ben je me suis mis au Wing Chun Chuan, qui est une forme de boxe chinoise. D'ailleurs, c'est l'art martial principal qu'a étudié Bruce Lee. Voilà. Le style de Bruce Lee, c'est 80% de Wing Chun. Voilà, donc c'est une boxe très courte. Et voilà. Eh bien, maintenant, on va passer au fameux quiz vu, pas vu. Alors, succinctement, tu me dis si tu l'as vu ou pas vu, hein, et puis ce que t'en as pensé. Et puis on passe si tu n'as pas vu, hein, parce que, comme je dis toujours, c'est non exhaustif, parce qu'il y a tellement de films sur le thème. Et comme je le disais tout à l'heure, je me suis attaché surtout aux films, disons plutôt sur les différents styles de combat, et non les films asiatiques de ninja, de samouraï ou coréens spécifiques. Là, c'est vraiment... On balaye assez large. Eh bien, je vais te proposer le premier film hollywoodien où on voit apparaître les arts martiaux. Ça se passe en 1955. Et c'est le film où on retrouve Spencer Tracy. Et c'était Un homme est passé. Il n'a absolument pas vu. Et on voit pour la première fois dans le cinéma hollywoodien, ouais, justement, un représentant des arts martiaux. Après, bien sûr, on va aller en quelques années plus tard. Dynamic Dragon contre boxeur chinois de 1972. Et là, c'est l'Apkido, un art martial coréen. Eh bien, pas vu non plus. Tu es en train de me faire une grande liste de films à voir. Bon, La Fureur de Vaincre en 72, ah un oui, des premiers sûr. Bruce Lee. Suivi de La Fureur du Dragon, où là, on le rencontre Bruce Lee avec un certain Chuck Norris, le fameux combat dans le Colisée de Rome. Oui, oui. Et donc, la publicité à l'époque, c'était ouais, un vrai champion de karaté contre Bruce Lee, un spécialiste des arts martiaux. Donc, ça avait été un petit peu l'affiche qu'avait fait vendre. Absolument vu. Ensuite, Opération Dragon, en 73, où là, Bruce Lee va rencontrer... donc, c'est un premier film hollywoodien, on pourrait dire, de Bruce Lee. C'était à l'époque des James Bond, donc on retrouve un peu la musique, l'ambiance, côté un petit peu espionnage, avec Bruce Lee, bien sûr, Jim Kelly, qui était un des acteurs de la Blaxploitation, vraiment en vogue, mais aussi un fervent amateur d'arts martiaux, puisqu'il était lui-même pratiquant. Le fameux Bolo Young, qu'on va retrouver dans Bloodsport plus tard. Et John Saxon, qui était aussi un acteur qui était très en vogue dans les films d'action de l'époque. Je pense que tu l'as vu, celui-là. Oui, bien sûr. C'est un vieux souvenir, mais je l'ai vu. The Defensive Power of Aikido, donc un film japonais avec Sonny Chiba, sorti en 75, comme son nom l'indique, sur l'aikido. Ça ne me dit rien. Et Sonny Chiba est un acteur très connu au niveau du cinéma japonais. Ensuite, Tout pour le Kung-Fu en 77 de Gordon Liu. Ça me dit rien non plus, c'est quoi? C'est un film nanar? Ouais, non, c'est des films hongkongais en général, voilà, où c'est vraiment de la bagarre. On parlait tout à l'heure du style, vraiment. Eh bien, Gordon Liu, c'est un peu ça. Le Maître Chinois de Jackie Chan en 78. Ah, Master aussi, plus connu sous le nom de Drunken Master. Ah, où il utilise la technique de l'homme ivre. Voilà. Oui, oui, oui, oui. Bah, j'ai vu quelques passages, ouais. Ensuite, on retrouve en 78 Bruce Lee dans le fameux Le Jeu de la Mort, où il affronte la fameuse scène contre le basketteur Karim Abdul-Jabbar, cette espèce de grande araignée qui se bat contre lui, et c'est un terrible. Un grand géant, ouais, le fameux basketteur. Où il passe d'étage en étage, voilà. jusqu'au boss final. Donc, ensuite, alors là, on tombe dans le Chuck Norris pur et dur, Force One en 79, avec Chuck Norris, qui nous fait du Chuck Norris. Ça me dit rien. Ensuite, on retrouve La Fureur du Juste en 80 avec Chuck Norris et Lee Van Cleef, qu'on voyait plutôt dans les westerns en général ou les films de guerre. Et puis, pour moi, un film qui a un peu remis à jour tous les codes un petit peu des arts martiaux, c'est le fameux Karate Kid en 82, avec Ralph Macchio, Pat Morita et Elizabeth Chu, qui sera suivi, bien sûr, de toute une saga, dont la dernière était Jackie Chan avait pris le rôle qu'avait au départ Pat Morita, avec pour moi plus ou moins de réussite. On en a parlé un petit peu hors écran, mais bon, on en a écouté la musique tout à l'heure. C'était vraiment un film vraiment connoté 82. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ah, c'est un très très bon souvenir de jeunesse. Hein. Ouais, c'est années 80, c'est un peu cliché, mais j'ai adoré. Et puis il y a ce côté initiatique que j'ai vraiment apprécié. Ouais. Oui, Pat Morita en vieux prof qui vient d'Okinawa avec sa technique. D'ailleurs, on le voit dans le 2 où il emmène son élève justement à Okinawa sur les bases de où il a comment il a appris tous ses arts martiaux. Donc j'avais trouvé ça assez intéressant aussi. Ensuite, on a L'exécuteur de Hong Kong en 82 avec Chuck Norris. Donc, c'est la pleine époque de Chuck Norris. Non, ça me dit rien. Bon, pareil, hein, la bagarre. Là, c'est moins fin, on pourrait dire. Ensuite, L'Invincible, donc un film soviétique. Et c'est l'histoire de Anatoly Karlampiev, considéré comme l'un des fondateurs du Sambo. Pas vu. Donc, le Sambo, c'est un art martial russe. D'ailleurs, Vladimir Poutine le pratique et aussi tous les agents du KGB. Des FSB maintenant. KGB, c'est les enfers. Mais bon, voilà, c'est un peu leur judo à eux ou la lutte pour nous. Donc, c'est un sport qui est très pratiqué en Russie et toujours encore. Ensuite, eh bien, je te propose Les héritiers de Shaolin en 84. Et là, on voit apparaître Jet Li. Alors là, c'est pareil. C'est la fameuse école Shaolin, des moines Shaolin. Le côté rigueur, le côté un petit peu plus sérieux, on peut dire, des arts martiaux. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là. Non, il ne me dit rien, celui-là. Je crois que j'ai pas pris le temps de le voir, celui-là. Ensuite, alors un film pareil qui a marqué les années 88, Jean-Claude Van Damme, Bolo Young, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait tourné avec Bruce Lee d'Opération Dragon. Eh bien, un tournoi de style et de tout un tas de styles de combat, c'est le fameux Bloodsport. Ah ben, j'ai adoré. J'ai adoré. Pareil, c'est années 80, cliché, mais moi, c'est un bel hommage. En plus, l'histoire de Frank Dux, un véritable combattant qui a été le premier à gagner ce Bloodsport. Je sais pas si c'est le comité, je crois, c'était le combat. Ouais, bah après, je me souviens qu'il y avait un bel hommage à différents styles. Donc oui, parce que ça passe assez vite. On voit la capoeira, on voit du judo, on voit du karaté. Une forme de lutte également. Voilà, il y a un petit peu de tous les pays. Moi, j'avais trouvé ça pas trop mal. Bon, après, Van Damme, on faisait pas trop des caisses encore à l'époque, ça allait à peu près. Ensuite, il y a une suite qui s'appelle Cage en 1989 qui racontera un peu le même genre de combat. Ensuite, Best of the Best, donc une série de films dont le premier est de 88 avec Eric Roberts et James Earl Jones. Donc c'est une équipe de karaté qui va rencontrer son homologue coréenne de taekwondo. Donc c'est un peu les deux styles qui vont aller s'affronter. Donc c'est le côté un peu plus sportif. Donc Cage de 89 dont je parlais tout à l'heure, ensuite avec Lou Ferrigno, c'est Monsieur Hulk, ça dit peut-être quelque chose, un des premiers Hulk, bon, qui venait lui du culturisme, donc un mec assez costaud. Plus ensuite Vengeance aveugle en 89 avec Roger Hauer, où c'est un aveugle qui revient du Vietnam et le gars il a appris les arts martiaux et ouais, faut pas l'emmerder non plus. Bah, connais pas, ouais. Roger Hauer est très bon, hein. Moi, j'adorais cet acteur. Et intéressant. Ensuite, on trouve Double Impact en 91, où, avec Jean-Claude Van Damme, avec du karaté, là, avec son demi-frère ou son frère, je me rappelle plus exactement. Ensuite, eh bien, L'Arme Parfaite avec Jeff Speakman. Alors là, c'est du Kempo en 81. Pas vu. Ensuite, bon, bah, on part un petit peu dans la parodie, puisqu'on a Ninja Kids en 92 avec Victor Wong, qui a eu trois autres suites. Bon, là, c'est les arts martiaux pour les enfants, on pourrait dire, hein, le genre de film familial. Mais bon, ça a popularisé aussi, je pense que ça amenait des jeunes pratiquants aux arts martiaux avec le côté un peu plus fun. Ensuite, Tai Chi Master, un film hongkongais réalisé en 93 avec Jet Li. Ah, j'ai adoré. Là, plus réaliste, entre guillemets. Oui. Ensuite, Dragon, l'histoire de Bruce Lee avec Jason Scott Lee. Oui, qui m'a moins marqué que les films de Bruce Lee. Ouais. La légende de Fong Sai-yuk avec Jet Li en 93 aussi. Pas vu. Ensuite, bien, on a les jeux inspirés d'un petit peu de des jeux vidéo comme Street Fighter, La Rage de Vaincre, où on retrouve entre autres Marc Dacascos. Et là, c'est la capoeira qui est un peu plus mise en valeur. Ouais, j'ai un vieux souvenir, mais ouais, c'est pas un film. Là, c'est trop cliché pour moi. On a aussi le Street Fighter, donc pas Fighters, mais Fighter, parce qu'il fallait un petit peu faire du fric avec ça à l'époque, puisqu'avec le jeu et tout, et c'est Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Wes Studi et Raoul Julia qui jouent dans ce film. Donc on a beaucoup d'acteurs, mais pas forcément... voilà. Ça a très mal vieilli. Voilà. Mortal Kombat, un petit peu dans le même style, hein, en 95, avec Christophe Lambert. On a quand même eu le droit à 7 remoutures derrière. Là, il faut vraiment être fan du jeu. Hein. Ensuite, bien, le grand tournoi en 96 avec Jean-Claude Van Damme et Roger Moore sur un tournoi d'arts martiaux. Alors là, c'est plutôt James Bond qui rencontre Indiana Jones et on met un petit peu... Bah, c'est aussi un tournoi d'arts martiaux. Et donc, Jean-Claude Van Damme fait un petit peu le show, on peut le dire, dans ce combat. Et c'est lui qui représente un petit peu un Jean-Claude Van Damme un peu plus européen, quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est, comment dire, au-delà du cliché, à chaque fois, il essaye de rendre hommage aux différents styles. Donc, oui, parce que là-dedans, bon, moi, c'est un film qui est plaisant, c'est un film d'aventure. Bon, Roger Moore, toujours avec son petit humour pincé anglais, donc c'est toujours, on a l'impression de voir amicalement vôtre, mélangé. Donc, ou les James Bond, où il jouait dedans, hein, c'est une autre façon de... Oui, ça m'a bien branché. Hein. Mais moi, j'aime bien les films d'aventure, donc ça m'avait bien plu. Eh bien, ce que je te propose, c'est de justement passer une bande originale d'un film dont on a parlé tout à l'heure. C'est Bloodsport, le morceau Kumite. Et attention, ça va déménager. Quiz vu, pas vu, avec sur le thème du jour, le spécial arts martiaux avec Maxime. Alors Maxime, si je te dis en l'an 2000, Tigre et Dragon avec Michel Yeoh et Chow Yun-fat. Oh bah oui, c'est un très bel hommage aux arts internes chinois. Ouais, ouais, justement, c'est... Les arts de souplesse. Et puis, Michel Yeoh, on voit la carrière qu'elle a fait derrière. Hein, c'est impressionnant. Piège au soleil levant, 2005, avec un certain Steven Seagal. Non, pas vu. Donc Steven Seagal, pratiquant d'aïkido. D'aïkido, mais certains crient à l'imposture parce qu'ils disent qu'il n'est pas si bon que ça. Bon, quand on le voit pratiquer, ça a l'air quand même assez correct. Oui, c'est propre. Mais bon, après, savoir si... visiblement, il a appris au Japon. Il s'était marié avec une japonaise, une famille japonaise. Et après, il est retourné aux États-Unis. Et il est devenu un petit peu businessman du cinéma. Mais bon... Et il a mis l'aïkido un peu à la promotion américaine, quoi. Voilà. Bon, puis après, on va pas parler de tous ces films parce que, voilà, c'est pas forcément toujours dans la bonne catégorie. Ensuite, un film français, Choc D, en 2005, avec Dida Biafat et Bernard Giraudot, sur le Muay Thai. Pas vu. Eh bien, très intéressant, parce que c'est une histoire vraie. Ah, super intéressant. C'est un délinquant qui a rencontré un professeur de boxe joué par Bernard Giraudot en prison. Et après, le gars, il décide d'aller à la dure apprendre le Muay Thai avec des techniques de boxe que lui avait appris son prof. Il lui a dit, si tu veux vraiment combattre, va en Thaïlande, tu vas voir ce que c'est se battre. Et donc, on voit un peu ce parcours initiatique et tiré donc d'une histoire vraie. Ensuite, Dead or Alive, Doha, en 2006, avec Eric Roberts. C'est un tournoi d'arts martiaux, mais bon... façon plus jeu. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu plus à penser à Street Fighter ou des choses comme ça. Un peu gnangnan. Avec un peu plus, avec des gars et des filles, donc, mais bon, ouais. Ça se regarde, mais voilà, comme tu dis, faut s'échapper de temps en temps. Mais, si on veut vraiment faire l'apologie des arts martiaux, je pense pas que c'est le meilleur film. Le maître d'armes avec Jet Li. Oui, très beau film. Ensuite, alors très rare, j'ai trouvé Kill Tro, un film chilien d'arts martiaux réalisé en 2006. Donc à signaler, parce que les films chiliens sur les arts martiaux, je pense pas qu'il y en ait des tonnes. Coq de combat en 2007, donc avec Sean Yu, et c'est sur le karaté et sur les coq de combat, comme son nom l'indique, on parie sur les gens, et un peu comme les combats de coq, quoi. Ah, ça me dit rien. Ensuite, on a Le Grand Stan en 2008. C'est avec Roy Scheider, qu'on a vu dans Les Dents de la Mer, entre autres, et un certain David Carradine, qui avait popularisé la série Kung Fu. Donc, il a un peu un rôle initiatique, donc il apprend, ça se passe en prison, et donc David Carradine apprend à Roy Scheider les techniques pour pouvoir pas se faire trop tabasser. Ça me donne envie de le voir. Ensuite, on a Ip Man, le premier Ip Man avec Donnie Yen. Ouais, vu et puis, bien sûr. C'est mon préféré, c'est le premier. Parce qu'après, il y en a eu plein d'autres, mais le meilleur, c'est le premier, clairement. Ensuite, Kung Fu Panda en 2008, l'animation. Pareil, la preuve que c'est populaire, puisque les arts martiaux ont eu le droit à un dessin animé et ses suites. Ouais, c'est fun. Je conseille vivement. Toute la série des Kung Fu Panda, c'est très sympathique à regarder. Alors ensuite, on a Red Belt. Ça, c'est un film de 2008. C'est sur le jiu-jitsu. Non, ça me dit rien. Et donc, l'acteur principal, un des acteurs les plus connus, il y a Tim Allen qui joue dedans. Ensuite, on a Warrior, un film en 2011, qui est sur le MMA. Et on trouve Tom Hardy et Nick Nolte dedans, donc un bon film où on commençait bien à parler du MMA, parce que avant c'était plutôt en cachette, ça se pratiquait, dans certains pays c'était autorisé, en France il a fallu un bon bout de temps avant que ça soit autorisé, et bon bah comme c'était spectaculaire, il y a la télé, il y a la pub, on était évident à un moment que ça passerait et que ça plairait au public. Ensuite, j'ai trouvé le film Tai Chi, un film chinois réalisé par Stephen Fung, sorti en 2012. Tai Chi Master ou Tai Chi ? Non, après il y a L'Homme du Tai Chi, qui est en 2013, avec Keanu Reeves et Tiger Shun. Bon, il y a eu plusieurs films sur le Tai Chi. Et puis le film dont tu nous parlais tout à l'heure, The Grandmaster, avec Tony Leung, sur un biopic sur la vie de Ip Man. Ouais, un très très très beau film. Bel hommage aux arts martiaux chinois. Ensuite, encore un film sur la MMA, La Rage au Ventre, en 2015, avec un certain Jack Gyllenhaal. C'est mon truc, le MMA. Ensuite, Boyka, un seul deviendra invincible, avec Scott Atkins, toujours sur le MMA. C'est d'ailleurs, c'est les derniers, les films les plus récents sont surtout, on trouve moins de karaté maintenant, ou et on est plus dans le. Ouais, le MMA est à la mode. Voilà, puisqu'on retrouve End Battle en 2018 avec Stephen Dorse. Ensuite, on retrouve Murtry en 2020 avec Alberi, toujours dans le milieu du MMA. Et puis, le dernier film que j'ai mis, c'est Smashing Machine avec Dwayne Johnson en MMA. Donc, on voit vraiment que le MMA a été absorbé par la machine hollywoodienne. Et voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est spectaculaire. Mais je pense, les puristes d'arts martiaux, on peut voir des techniques d'arts martiaux dedans, beaucoup. Mais c'est moins, je pense, pour toi qui es pratiquant. Il y a moins de philosophie, il y a moins de technique. Là, c'est vraiment, faut mitrailler et massacrer l'adversaire. Oui, c'est ça. Et puis, souvent, c'est des plans serrés pour mettre en valeur justement l'action, mais on voit un peu moins les techniques. Tout va très très vite, les caméras bougent dans tous les sens. Puis j'aurais pas parlé parce que la boxe est un art martial. Bon, il y a plein de films. Il y a eu d'ailleurs un film qui s'appelait Savate, un film français. Et voilà, bon, il y a plein d'autres arts martiaux. Là, j'ai pas développé. Tu parlais de la violence, machin. Les Rocky, c'est vraiment du pipeau. On se prend 2-3 pains comme ça, même dans un combat de boxe. Fini. On est au sol, il y a KO. Hein. C'est ça. C'est un peu la magie du cinéma. Parce que quand on voit, les coups qui se prennent normalement. Mais bon, ça a toujours été un petit peu, même dans tous les arts martiaux, on passe un peu. Sur le côté, quelqu'un qui va être bon techniquement, il va mettre par terre le mec en combat. Il ne se relève pas 5-6 fois après avoir fait des coups. Voilà. Bon. J'espère que tu as peut-être un ou deux films à nous signaler que j'ai pas signalé parce que, comme je disais, c'était non exhaustif. Je vous conseillerais, la série des Hung Bak. Oui. C'est très très bel hommage. Les combats sont très beaux. Et puis, l'acteur Tony Jaa est vraiment. J'ai oublié lui, Tony. C'est vrai que Tony Jaa. Et puis aussi, il a amené quelque chose, d'autres techniques. Et c'est vrai que Hung Bak, ça. Ouais, puis il fait des hommages à différents arts martiaux. Alors je sais plus exactement, mais il y a un des films, c'est le pied-point. Il y en a un autre, c'est un hommage aux armes, aux techniques d'armes. Et puis c'est un gymnaste, le gars, c'est terrible. Ah oui, il est impressionnant. Hein. Dans ses cascades, pareil, on parlait des cascades de Jackie Chan. Pour moi, c'est la relève de Jackie Chan, mais en plus sérieux. C'est-à-dire qu'il moins comique. Moins comique, mais vraiment efficace. C'est très sérieux. Ouais. Et puis il y a The Raid aussi qui est bon. L'histoire est pas fofolle, hein. C'est une troupe de policiers qui investissent une tour. Un peu comme l'équivalent du GIGN chez nous, qu'on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il y en a un qui maîtrise vraiment les arts de combat. Et les scènes de combat sont juste magnifiques, impressionnantes. Hein. Et puis ça envoie. C'est vraiment très explosif. Bon, j'espère qu'on aura donné envie à tous nos auditeurs d'aller voir les films dont on a parlé et puis d'en découvrir aussi par eux-mêmes, hein, parce que, comme je disais, il y a tellement de choses sur le sujet. Et en plus, j'espère qu'un jour on pourra trouver quelqu'un qui a envie de faire un cinéfache vraiment sur les arts martiaux. Donc, on parlait tout à l'heure, les films chinois, un petit peu les films médiévaux chinois, les légendes chinoises, où on utilise beaucoup les arts martiaux. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant. C'est les auditeurs, mais aussi à nos auditeurs qui auraient envie de faire cinéfache. Alors, appel à candidature. Eh bien, maintenant, nous allons passer aux sorties cinéma. Les films à venir avec nos partenaires, les cinémas CGR de Tours. Eh bien, une avant-première, pour le meilleur, le lundi 16 mars, avec Philippe Croizon et son réalisateur. Donc, un assez bon film où on retrouve Philippe Croizon. On aura une petite interview de Philippe Croizon et de son réalisateur, puisque normalement, on est convié. Et oui, Radioactive sera sur le coup. Ensuite, une soirée culte Brokeback Mountain, le mercredi 18 mars à 20h. On a un film pour les plus jeunes, Walter Lapin, le dimanche 22 mars à 10h50. Compostelle, le dimanche 29 mars à 15h30. Ensuite, une séance spéciale Assassination Classroom, The Movie, Our Time. Ça, ça le dimanche 29 mars à 15h45. Une séance spéciale Les Femmes Savantes, le lundi 30 mars à 19h. Et puis, Wedding Nightmare 2, le vendredi 3 avril 2026 à 19h50. Donc, tout ça, ça sera au cinéma CGR Centre de Tours. Donc, vous voyez, un programme bien fourni. On a pour tout le monde différents styles, en plus des films qui sont proposés chaque semaine. Et notre autre partenaire, les studios, eh bien, il y aura le FICAT, le Festival International du Cinéma Asiatique de Tours, qui sera du 19 au 24 mars. Les pays d'Asie représentent un cinéma très varié, très riche, qu'on peut découvrir chaque année au studio grâce au FICAT, à travers des projections, des rencontres, des hommages. Et le festival décerne deux prix aux films en compétition, un prix du public et le prix du jury. Et c'est toujours sympathique, puisque c'est là, on a parlé aujourd'hui des arts martiaux, mais là, il y a vraiment des dramatiques, des films dramatiques, des biopics, des comédies, des films d'aventure. Il y a vraiment une palette assez impressionnante avec du cinéma indonésien, indien, vietnamien, coréen, chinois, japonais. Enfin, bref, tous les pays asiatiques sont présentés. Et je vous invite à aller chez nos amis des studios. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires des films de nos partenaires, ainsi que les films à l'affiche, en allant sur leur site respectif. Donc, vous allez taper sur le site des CGR Centre Tours ou des studios de Tours, et vous allez pouvoir trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Et pour écouter nos émissions en podcast ou direct, vous allez sur notre site www.radioactivefm.fr et vous pourrez nous écouter à nouveau. Nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage spécial arts martiaux au cinéma. Donc, un grand merci à notre invité Maxime, qui est aujourd'hui non seulement comme invité, mais aussi à la technique. Hein. On applaudit sa prestation. Merci. Merci Alain. Et puis, c'est la première fois que je parle à la radio comme ça. Vous l'entendrez. C'était un plaisir. Vous l'entendrez de temps en temps, puisque il va m'accompagner, puisque Vincent, à qui on fait un petit coucou, est parti. Donc, vous allez l'entendre assez souvent intervenir dans les émissions Sérivore et Cinéphage. N'hésitez pas aussi à nous contacter sur Radioactive si vous souhaitez devenir l'invité de Cinéphage. Nous nous retrouverons bientôt sur vos antennes pour un prochain Cinéphage, en alternance, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Sérivore, notre émission sur les séries. Et bien en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye.